Portrait d'assaut sur Fadjet. Aujourd'hui dans Portrait d'assaut, eh bien on va découvrir ou redécouvrir peut-être pour vous l'association Tim et Bastien qui a été créée en 2021. Et pour nous en parler, nous accueillons en studio Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Co-présidente de cette association. C'est ça. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Élise. Bonjour Élise. Hello. Qui va poser des questions à Anaïs et qui va commencer sans plus tarder. Alors avant toute chose, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette association ? Eh bien avec plaisir, peut-être rappeler d'abord l'historique de Tim et Bastien. En fait à l'origine, Tim et Bastien, donc deux amis d'enfance qui étaient en césure durant leurs études et qui ont constaté une augmentation de la précarité alimentaire étudiante, notamment dans les médias. Et de là est né un projet un peu fou de se dire tiens, si on montait un food truck étudiant pour aller sur les campus. Donc l'aventure commence en février 2021 et aujourd'hui elle est constituée de 3 salariés et puis une dizaine de bénévoles. Et notre objectif, ça va vraiment être de lutter contre la précarité alimentaire étudiante et d'accélérer la transition alimentaire sur les campus étudiants. Anaïs, toi, Comment tu as rejoint cette aventure ? Eh bien, un coup de cœur, puisque j'ai rencontré Tim et Bastien quand ils ont lancé le food truck sur le campus étudiant. J'ai échangé avec eux dans le cadre de mon précédent travail et voilà, ce jour-là, je me suis dit, je veux faire partie de cette association. Donc là, vous nous avez un peu parlé d'un food truck, mais est-ce que vous pourriez nous développer un petit peu plus les actions qui sont mises en place ? On a 3 axes chez Tim et Bastien. Donc il y a la restauration via un food truck qui propose une offre végétarienne et de qualité à prix solidaire. L'idée, c'est d'être sur les tarifs du CROUS, donc 1 euro pour les boursiers, 3,30 euros pour les non-boursiers, avec vraiment cet axe de qualité au maximum bio, local, de saison, et d'aller sur les campus où il y a peu d'offres alimentaires, donc que ce soit en complémentarité avec le CROUS quelque part. À la fois accessible et de qualité. On a également un autre axe chez Tim et Bastien, c'est la sensibilisation. L'idée, c'est vraiment de donner aux étudiants les clés pour s'alimenter différemment, mieux. Et donc pour ça, on a toute une panoplie d'actions de sensibilisation. Ça peut être des ateliers cuisine, des fiches recettes, des buffets pédagogiques, des petites sensibilisations qu'on va faire au contact direct des étudiants quand ils viennent au food truck. Et pour la petite histoire, justement, les ateliers cuisine sont nés du fait des étudiants qui nous ont sollicités fin 2022. Donc finalement, c'est les étudiants qui construisent aussi un petit peu les actions de Tim et Bastien. Et peut-être vous parler d'une autre action qu'on fait aussi, c'est plutôt de l'accompagnement. En fait, chez Tim et Bastien, on aime beaucoup la collaboration. C'est aussi pour ça que moi, en tout cas, c'est une association dans laquelle je m'investis, parce que j'aime bien cette idée-là. Là, c'est vraiment d'aider d'autres structures, peut-être qui veulent travailler sur l'alimentation durable étudiante, de lutte contre la précarité alimentaire étudiante, à se développer. Pour vous donner un exemple, en 2024, on a aidé Copain, qui est une association nationale, mais qui fait de la distribution notamment alimentaire auprès des étudiants, à s'implanter à Nancy. Donc aujourd'hui, ils ont trouvé un local, ils font de la distribution alimentaire étudiante et là, on va construire aussi des actions de sensibilisation avec eux. Nous, on est très ouverts aux collaborations. Donc ça a démarré en 2021, oui. Mais ça s'est vite développé en fait, parce que dès 2022, il y a des ateliers qui sont mis en place. C'était attendu, toi, ou c'était plutôt la surprise ? C'était plutôt la surprise quand ils ont monté ça. C'était dans l'idée de se dire, on fait ça pendant notre année de césure et pour le coup, il y a un vrai besoin aujourd'hui. Puis je pense, voilà, à l'époque aussi, une volonté des porteurs de pérenniser l'action. Donc de là, en fait, aujourd'hui, il y a 3 salariés, donc 2 personnes vraiment à temps plein qui cuisinent dans le food truck, qui mènent les actions de sensibilisation, et une déléguée générale. Et c'est toujours une association, finalement, qui répond à un besoin. Peut-être pour vous donner quelques chiffres, en 2025, en Grand Est, c'est 50% des étudiants qui déclarent avoir des difficultés à manger à leur faim. Finalement, aujourd'hui, la précarité alimentaire étudiante, malheureusement, elle est plutôt même en augmentation. Et donc, c'est aussi pour ça que Tim et Bastien, je pense, continuent à exister. En termes de perspectives de développement, nous, notamment pour 2025, on a envie de continuer à développer cet axe de sensibilisation, pouvoir pérenniser nos actions, de faire plus d'ateliers de cuisine, plus de sensibilisation auprès des étudiants. Et également, une question que je me posais, votre champ d'action, il se limite à Nancy ou est-ce que vous allez un petit peu plus loin ? Pour l'activité vraiment de restauration, c'est vrai qu'on reste très centré sur la métropole du Grand Nancy pour des raisons logistiques. Et après, on se délocalise aussi. On est allé notamment à Rovilhochaine pour des étudiants de CFA. Donc le food truck peut aussi se développer ponctuellement pour des actions, des événements. On va aussi à Metz, il y a eu Épinal. Donc on peut se développer, mais c'est vrai que c'est plus ponctuel en tout cas sur les actions en dehors de la métropole, on va dire. J'ai pas parlé de cette dernière action qui fait partie aussi de l'accompagnement. C'est qu'on a aussi une équipe de bénévoles en fait à Paris. Et là, ils ont créé un espace avec d'autres associations nationales qui travaillent sur la précarité alimentaire étudiante. Et l'idée, c'est aussi de travailler vraiment sur un plaidoyer de comment on peut changer le système alimentaire étudiant. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on a finalement des échelles différentes du très local, on va dire peut-être pour l'activité de restauration. Pour le plaidoyer, c'est national. Et après, la représentation de l'accompagnement d'initiative, c'est pareil, ça peut se faire Grand Est, France. Donc on joue un petit peu sur toutes les échelles géographiques. On partait de zéro en 2021. Oui. On voit aujourd'hui, ça s'est extrêmement développé. Il faut mettre en place un food truck, trouver des produits, tout ça. Il faut se faire aider pour ça, non? Comment oui. ça se passe? On a eu quelques échanges, en tout cas pour les collectivités. Après, quand je dis accompagnement d'initiative, c'est pas forcément développer, on va dire, un autre food truck. Mmh. Ça peut être comme on l'a fait avec d'autres associations qui veulent s'implanter à Nancy. Bah, nous, voilà, on les aide à s'implanter, le réseau de contacts, des échanges. Pour le coup, pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas d'autres food truck Tim et Bastien. On a fait des échanges avec quelques associations, ça ne s'est pas concrétisé. Mais nous, en tout cas, c'est ce qu'on dit toujours, c'est qu'on reste à disposition. Et après, c'est aussi aux autres structures qui nous sollicitent de faire leur petit bout de chemin. On avait participé aussi historiquement à une étude en Bretagne, parce qu'ils étaient intéressés notamment sur le côté itinérance en territoire rural. Donc finalement, les retours d'expérience qu'on peut faire, ça peut prendre des formes assez variées. Mais ça nous va aussi de se dire qu'il y a d'autres formes que le food truck qui se développent. Alors j'ai vu aussi que depuis mars 2023, dans cette logique de circuit court, vous travaillez avec des associations locales, notamment la Grande Épicerie Générale. Oui, c'est ça. C'est vrai, je n'ai pas parlé de nos fournisseurs. La Grande Épicerie Générale qu'on a mis en place, effectivement, parce qu'il y avait une volonté justement de travailler avec cet acteur local. Nous, ça nous permet aussi de faire nos courses en vrac, donc on peut arriver avec nos sacs à vrac. L'idée, c'est aussi, chez Tim et Bastien, de limiter notre impact environnemental. Donc il y a cet aspect-là, et auprès des étudiants, on leur dit aussi, quand on est sur un campus, on reste à peu près un mois et demi, et rapidement, ils prennent le pli de venir avec leurs propres contenants. Donc là, on peut limiter comme ça les emballages. Et ce que j'ai pas dit aussi, c'est que Tim et Bastien, finalement, au-delà du food truck, c'est aussi un lieu de vie, puisqu'on est ouvert aussi l'après-midi. Donc il y a des boissons chaudes qui sont gratuites pour les étudiants. Et ça permet aussi de faciliter les échanges avec les personnes qui sont en cuisine, de créer un petit peu des groupes étudiants. Et on se dit, l'idée, c'est aussi d'animer sur les campus pour lesquels on peut être présent. Les premières fois que vous êtes installé, les étudiants devaient peut-être se dire, maintenant, ça va être super trop cher, un food truck sur le campus, c'est pas pour moi, c'est pas dans mon budget. Je sais pas trop si c'est déjà le prix, mais c'est plutôt le food truck. Il y a plein de légumes et en fait, on le constate sur certains campus. Je pense que les étudiants se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il y a déjà une première barrière à franchir en venant au food truck. Nous, on considère que presque venir au food truck, c'est déjà la sensibilisation, si je peux dire. Et après, on le sent en fait sur les différents campus, c'est plus ou moins facile, on va dire, d'être attractif pour les étudiants, mais ça se fait petit à petit. On remarque que quand on retourne sur un campus d'une année universitaire à l'autre, les étudiants nous identifient plus facilement. Ils se disent « Ah bah tiens, oui, ils sont déjà venus ». Finalement, la sensibilisation, ça vient aussi avec la répétition. Et montrer que les légumes, ça peut être bon. Oui, voilà. Et justement, n'hésitez pas, toutes les recettes sont disponibles sur le site internet de Tim et Bastien. On a une super équipe en cuisine qui met à jour justement les recettes. Vous pouvez ajuster les quantités. Donc ça, c'est pareil, c'est dans l'idée de se dire que les étudiants peuvent reproduire aussi chez eux les recettes qui sont au food truck. Donc aujourd'hui, l'association, elle fonctionne notamment avec des salariés, mais vous avez des bénévoles. S'il y a des étudiants qui nous écoutent, qui voudraient rejoindre l'aventure, voire développer quelque chose, mais peut-être dans une autre ville, comment ça se passe? Avec grand plaisir. Il y a notre adresse mail, il y a le numéro de téléphone. Et pour le coup, en plus, c'est aussi de se dire que l'engagement chez Tim et Bastien, ça peut aussi être du très ponctuel. On peut avoir besoin d'un coup de main en cuisine sur des événements. L'engagement bénévole chez nous, c'est pas forcément sur la durée. C'est selon les disponibilités des personnes. On sait que les étudiants aussi, il y a les études à côté, donc on peut pas non plus demander de la récurrence. Et puis, toutes les modalités sont possibles. On a une équipe de bénévoles sur Paris, donc on a des personnes qui travaillent à distance. C'est possible en présentiel au contact du food truck. Puis nous, on est assez partant de rencontrer en direct les gens qui veulent s'impliquer, donc autour d'un café, bien volontiers, pour leur présenter Tim et Bastien et voir aussi qu'est-ce qu'ils ont envie de faire en tant qu'engagement bénévole. C'est chouette si ça reste une appétence de la personne en termes de compétences à apporter. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur les projets futurs? Il y a notamment effectivement développer la sensibilisation. Nous, ce qu'on va faire aussi là très prochainement, c'est lancer une campagne de financement participatif auprès des citoyens. Donc on vous relayera l'information, ça c'est un petit peu notre gros projet aussi de cette année-là. Continuer la coopération, j'ai parlé notamment de copains, mais on a travaillé beaucoup tous les partenariats en tout cas cette année. Donc c'est de continuer à tisser quelque part des liens avec les autres associations du territoire. Le food truck, on peut le trouver notamment sur les campus, mais des fois vous êtes à l'extérieur, vous avez parlé de Reville Ocean tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres événements peut-être sur Nancy où on pourra vous trouver? Il y a pas mal d'événements étudiants, notamment là on était par exemple il y a 2 semaines avec l'autre canal pour faire un atelier cuisine, donc c'est notamment sur les événements étudiants, des fois le food truck ou des animations peuvent se faire le soir. Ça, vous pouvez retrouver toutes nos informations sur les réseaux sociaux où la communication est faite de manière régulière sur nos différentes présences. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Tim et Bastien? Je dirais continuer sur sa lancée, continuer à développer des projets. C'est vrai qu'on ne s'ennuie pas souvent chez Tim et Bastien. Et là, on développe la sensibilisation. On est ouvert, j'ai envie de dire, à de la proposition. Là, on va accueillir aussi des projets étudiants. C'est bon à prendre aussi. On attend aussi des étudiants. Enfin, ils peuvent aussi être force de proposition. C'est ce que je disais avant, c'est que les ateliers cuisine finalement sont nés parce que des étudiants nous ont sollicités et c'était chouette parce qu'on se rendait compte que c'était aussi un besoin, quoi. Teambastien.fr, ça c'est le site internet. C'est ça. Sur les réseaux sociaux partout, oui. Presque. Parfait. Merci beaucoup Anaïs. Avec plaisir, merci à vous. Et merci Élise. Merci. C'était Portrait d'assaut sur Fadjet. Pour y participer, écrivez-nous à contact@fadjet.net.